L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « Incitation à l'instabilité de la situation et à la confrontation ». En voici le résumé. Ces jours-ci, les pays européens vendent massivement les armements au Moyen-Orient, dont la situation est très compliquée. Cela suscite une grande inquiétude de la communauté internationale. Selon le rapport des groupes d'enquête internationaux, de nombreuses armes exportées pendant ces 4 dernières années par les pays de l'Europe orientale sont tombées entre les mains des bandes terroristes comme État islamique et utilisées dans les conflits. Les règlements de l'Union européenne sur l'exportation des armes interdisent l'autorisation de l'exportation des techniques militaires et munitions si elles risquent de déclencher ou de prolonger les conflits armés ou encore d'empirer la situation chez les importateurs. D'ailleurs, les lois sur le contrôle des armes des pays européens prohibent l'exportation des armes si elles peuvent être utilisées à la destruction de la paix ou à la guerre. L'exportation massive des armes européennes au Moyen-Orient en dépit de tels règlements juridiques en vue de gagner de l'argent, empirer davantage la situation de la région et entraîner aux pays européens le terrorisme et la crise des immigrants. Pire encore, ces pays-là vendent en Corée du Sud les armes d'attaque afin de l'inciter à la confrontation fratricide insensée. Cela cause la perturbation de la paix et de la sécurité de la région. Dans le passé, les pays européens ont parlé plus que quiconque de la stabilité de la situation et de la paix, et des hommes politiques de divers pays européens ont affirmé que l'Europe fera une contribution active à la détente de la situation et à la stimulation des processus de paix dans la péninsule coréenne. Mais aujourd'hui, les pays européens mettent en cause une mesure autodéfensive tout à fait juste comme violation du droit international. C'est vraiment absurde. S'ils ne peuvent pas aider la paix dans la péninsule coréenne, qu'ils restent bouche cousue.